moribond, comprendra-t-il enfin qu'il n'arrivera rien de bon en suivant le chemin que les maîtres du monde préparent pour demain, protégeant leurs acquis et leur vie d'artifice. Show.